بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين ومن اتبعه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Donc nous allons lire aujourd'hui quelques points qui sont extraits de Al-Bayan Al-Fawri. Donc ce n'est pas une traduction complète de tout le document, mais c'est une sorte de synthèse à partir de ce document. Donc on prend l'essentiel, parce que donc j'ai décidé de ne pas travailler que sur ce document, mais sur plusieurs documents pour faire profiter nos frères des remarques des gens de science, alaykoum salam, des remarques des gens de science sur le cas et sur le statut d'un homme. Et cet homme, c'est le dénommé Yahya ben Ali al-Hajouri. Yahya ben Ali al-Hajouri, et qui est au Yémen. Donc cet homme, il a fait une grande fitna. Il a combattu les gens de la sunna. Il a combattu les gens de la sunna pendant des années. Et les gens de la sunna, ils ont patienté pendant des années. Avant que certains d'entre eux ne prononcent le dernier mot pour donc prendre une position finale, ferme, contre lui, qui est la position de At-Tabdi', qu'il est un innovateur. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, on va découvrir donc beaucoup de choses concernant le statut de cet homme, et on va connaître quels sont les fondements qu'il a contredit, quelles sont les règles qu'il a contredit, et on va apprendre, Inch'Allah, à travers cette réfutation scientifique. Et la première réfutation, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, la première réfutation, c'est donc celle qui est faite par Arafat al-Muhammadi, le noble cheikh Arafat ben Hassan ben Ja'far al-Muhammadi. Et donc il a intitulé sa réfutation Al-Bayan al-Fawri bil-Kashfi an usul wa qawa'id Yahya al-Hajouri, la clarification immédiate dévoilant la corruption des fondements et des règles de Yahya al-Hajouri. Donc je rappelle juste, avant de passer maintenant au vif du sujet, je rappelle que beaucoup de gens, ils ont réfuté cet homme. Parmi eux, l'auteur qui a été cité et qui est Arafat al-Muhammadi, hafidhahullah ta'ala, et qui a fait deux écrits qu'il a intitulé Al-Bayan al-Fawri, partie première, c'est celle qui est entre nos mains aujourd'hui, et Al-Bayan al-Fawri, la deuxième partie, où aussi il continue à dévoiler le statut de cet homme. Donc dans ce premier document, il a montré 14 fondements que cet homme il a contredit. 14 fondements, 14 choses qu'il a contredit, qu'il a bafoué. Et donc même après avoir connu cela, il persiste à défendre ce batil. Il continue à défendre ses positions fausses. Donc il ne condescend pas. Il n'accepte pas la nasiha et il n'accepte pas de dire j'ai commis une erreur et je la corrige. Donc là, c'est le Bayan al-Fawri où il y a 14 donc fondements que cet homme il a contredit. Il y a le Bayan al-Fawri, la partie 2, que nous allons aussi prendre bi-idhnillahi ta'ala. Il y a aussi deux écrits du noble cheikh Abu Ammar Ali al-Huzayfi hafidhahullah ta'ala. Le premier écrit, c'est Al-Usul al-Salafiyya allati khalafaha al-Hajouri wa man ma'a. Donc là, il y a sept fondements aussi, autres que ce qu'a révélé Cheikh Arafat. Donc là, Al-Usul al-Salafiyya allati khalafaha al-Hajouri, les fondements salafiques al-Hajouri et ceux qui sont avec lui ont contredit. Ainsi qu'un autre écrit du noble Cheikh Abu Ammar Ali al-Huzayfi, et qui est un cheikh connu chez les gens de science. Donc le deuxième écrit s'intitule Nasa'ih Muhimma lil-Hajouri. Nasa'ih Muhimma lil-Hajouri. ainsi que donc les réponses des gens de science à travers plusieurs audios. Cheikh Ubayd, hafidhahullah, il a fait beaucoup de réponses en audio, ainsi qu'il a dicté des écrits et des choses pour corriger donc des points chez cet homme. Des audios aussi de Cheikh Al-Fawzan, il a été interrogé sur son cas. Cheikh Zayd Al-Madkhali, rahimahullah, Cheikh Ahmed Najmi, rahimahullah, ces gens, ils furent interrogés sur son cas. Ainsi comme je l'ai dit, les paroles de Cheikh Ubayd Al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, ainsi que donc beaucoup d'audios aussi de Cheikh Louisabi, Mohamed Al-Wahab Louisabi, rahimahullah. Il avait parlé de cet homme, il avait aussi clarifié son cas. Ainsi que d'autres mashayikhs, donc au Yémen et en Algérie, et donc dans beaucoup donc, de régions, ils ont réfuté cet homme, ils ont clarifié qu'il a fait une fitna, hein, qu'il a fait une crise au sein donc, des gens de la sunna, et qu'il a donc contredit la voie sur laquelle était le noble cheikh, le muhaddis, Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala. Donc, on va passer maintenant à passer en revue et à lire dans les choses que cheikh Arafat, hafidahullah ta'ala, et qu'Allah le récompense grandement, parce que son document, vraiment, il est très synthétisé, il est très condensé. Et moi, donc, à mon avis, il n'y a pas un point qu'il reproche à cet homme ici. Mais parmi les 14, il n'y a pas un point qui serait donc à réfuter. Donc, les choses qu'il relève, ce sont des points vraiment graves chez cet homme, et on va les étudier et on va en profiter, bi-idhnillahi ta'ala. Très bien. Et donc le deuxième point, le deuxième préambule que j'ai voulu rappeler, c'est que la da'wa du Cheikh Al-Muhaddis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah rencontra beaucoup de succès au Yémen et profita même en dehors du pays. Donc il est indéniable que la da'wa de ce Cheikh, elle a profité au Yémen et elle a revivifié la sunna dans le Yémen, et que aussi beaucoup de gens sont en train de profiter donc de la science de cet homme lorsqu'il était en train donc de donner des conférences et des cours et ainsi de suite, et même après sa mort les gens continuent à profiter de son site, de ses audios et de ses écrits et de ses livres, walhamdulillah. Donc mais de nos jours, hein, nous voyons que donc cet homme qui est l'un de ses disciples, qui est l'un des disciples de Cheikh Muqbil, qui est un parmi les disciples de Cheikh Muqbil. La da'wa de Cheikh Muqbil n'est pas Yahya al-Hajouri, comme avait rappelé Cheikh Abu Anas Muhammad bin Hadi, hafidhahullah, il a dit que donc il serait injuste donc de dire que la da'wa de Cheikh Muqbil elle se résume en cet homme qui est Yahya, et qui malheureusement il contredit la da'wa de Cheikh Muqbil maintenant par ses positions et par, c'est-à-dire, son étourderie, hein, son étourderie. Et les choses que nous allons dire, on va montrer, pour ces choses, on va montrer les preuves donc, de cela, parmi ses paroles et parmi ses positions, Allah Moussa'an. Donc, cet homme, il a contredit la da'wa de son prédécesseur et de son cheikh, qui est cheikh Muqbil, rahmallah. Et ses suiveurs aussi participent avec les, donc maintenant ils ont pris donc position, donc c'est depuis l'époque lorsque l'homme était en train donc de contredire les gens de science, les disciples, il y en a qui sont restés avec lui et qui continuent jusqu'à maintenant à le défendre. Et donc cet homme qui est Yahya al-Hajouri et ses suiveurs sont maintenant dans le camp des gens des innovations, en train de combattre et de nuire aux gens de science et aux gens de la sunna. Ils sont maintenant dans le camp des gens des innovations. Et ils ont ils ont rendu un grand service aux gens des innovations. Parce que les gens des innovations donc veulent trouver des choses pour combattre les gens de la Sunna. Et cet homme leur a fourni beaucoup de choses par son étourderie et par ses positions qui sont des positions qui ne sont pas bien fondées. Et donc il a rendu un grand service aux gens des innovations par sa fitna. En insultant les gens de science et en écrivant et ainsi de suite, les gens vont aussi utiliser ses écrits pour aussi combattre les gens de la sunna. Donc lui et ses disciples, ils ont tenté de faire chuter bon nombre parmi les nobles mashayikh salafis. Et ils les ont détractés. Lui et ses disciples, ils ont fait cela. C'est-à-dire ils ont essayé de faire tomber bon nombre des mashayikh. Il a commencé par rendre innovateurs les deux Adani, Al-Adaniyin, Abdurrahman Al-Adani wa Abdullah Al-Adani. Il a commencé par cela, chose sur laquelle les gens de science n'étaient pas d'accord. Il n'a pas montré la preuve. Et lorsqu'il était chez Cheikh Rabi', Cheikh Rabi' lui a demandé de donner la preuve, il s'est tu. De donner la preuve de leur innovation, il s'est tu. Il s'est tu. Il s'est tu. C'est-à-dire, il n'a pas montré la preuve de l'innovation de ces gens. Donc lui, il a fait cette fitna, il a commencé par rendre innovateurs les deux frères Adani, Abdurrahman, maintenant il est mort, rahimahullah ta'ala, et donc l'autre frère qui est Abdullah al-Adani, et qui est dans la région de Adan, et qui est dans un marquage qui s'appelle le marquage de Al-Fayyush. Et donc là, la chose, comment elle a commencé, c'est lorsque ces deux frères, ils ont décidé de bâtir leur propre marquez dans la région d'où ils sont issus, qui est la région de Aden. Les gens ils ont demandé qu'ils reviennent, retournent pour faire profiter, c'est-à-dire les gens qui sont issus de leur tribu et qui sont dans la grande région de Aden. Et donc c'est comme cela que lui, lorsqu'il a vu que beaucoup de tullab vont aller avec Abdurrahman al-Adani parce qu'il avait de la science, il avait de la sagesse, cet homme, il était un homme qui est plus doué, et Cheikh Muqbil rahmallah, il faisait du sana, de l'éloge sur cet homme aussi, donc il faisait de l'éloge de Cheikh Abdullah, il faisait l'éloge surtout de Abdurrahman comme étant un faqih, comme étant quelqu'un qui maîtrise beaucoup al-fiqh, rahimahullah ta'ala. Lorsque Yahya il a vu que Cheikh Al-Adani il aura beaucoup de suiveurs, donc c'est là qu'il a commencé à le dénigrer et à se moquer de lui, et jusqu'à le rendre innovateur et le rendre hizbi. Les gens de science, ils n'ont pas accepté ce tahzib, donc de déclarer un Cheikh comme étant hizbi sans donner la preuve. Aucun savant de la sunna, à ma connaissance, n'était d'accord sur cela. Aucun savant, on ne parle pas de ceux qui sont, les disciples ou qui sont les suiveurs de Yahya al-Hajuri, on parle donc des gens de science. Donc lorsque les gens de science, ils ont commencé à défendre les deux frères Adani, lui, donc il a commencé à faire tomber les gens de science, à faire tomber tout un chacun qui vient soutenir les deux Adani et dire la parole de vérité, et que donc ils ne sont pas hizbi, ils sont des salafis. Comme disait l'imam Ahmed, ikhraj ar-rajul min as-sunnati shadid. Il est très difficile de faire sortir quelqu'un de la sunna. Quelqu'un qui est sunni, qui est sur les bases sunni, et qui est salafi, et qui est connu auprès des mashayikh même, venir et donc... le considérer comme étant un innovateur sans montrer la preuve, rien que des colportages et des choses de ce genre, donc ça, il n'y avait pas de preuve, sur la hizbiya de ces deux frères. Donc lui, il a tenté par la suite de faire chuter tout un chacun qui vient soutenir les deux Adani, a commencé par Cheikh Ubaid al-Jabiri, lorsqu'il a soutenu les deux frères, et puis Cheikh Abdullah al-Bukhari, et Cheikh Mohammed bin Hadi, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait arrivé à Cheikh Rabi' al-Madkhali aussi. Cheikh Rabi' al-Madkhali, il a patienté pendant 7 années, avec cet homme, il a patienté pendant 7 années, donc depuis 1429 jusqu'à 1435. Donc ils étaient en train de le conseiller. Il est apparu des bayanats, même des bayanats où il a été consulté, et donc toutes les tentatives donc de réconciliation, hein, parfois ils ferment le site et on dit on ne propose plus des réfutations contre cet homme, et lui aussi il efface ce qu'il a dans le site, et on se réconcilie. Chaque fois il n'accepte pas et n'exécute pas, et donc Wallah al-Musta'an. Et donc les gens de science, donc ils ont fini par le rendre innovateur et par le déclarer innovateur parce qu'il a beaucoup d'innovation et parce qu'il n'a pas voulu accepter nasiha, il n'a pas voulu accepter le conseil donc des gens de science. Donc quand Al-Hajouri fit tomber les mashayikhs de la sunna, notamment ceux du Yémen, hein, il rusa en rehaussant ses suiveurs afin qu'ils le soutiennent dans son batil, aux dépens des gens de la sunna. Lorsqu'il a fait tomber les gens de science, qu'est-ce qu'il a fait? Il a grossi ceux qui sont avec lui, il a dit que ce sont des mashayikhs et ce sont des enseignants, et ainsi de suite. Il a grossi et il les a encouragés à écrire et à propager, alors qu'une grande partie d'entre eux n'a pas la capacité d'écrire et de composer. Et donc, parce que donc cette science est une religion. Donc, écrire, donc on sera interrogé sur cela le jour du jugement dernier. Laisser des écrits, etc. Ça c'est donc il s'agit de ne pas encourager les gens à écrire alors qu'ils n'ont pas atteint donc la compétence et la maturité dans la science. Donc là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rehaussé ceux qui sont sous sa main et dans son markaz et qui sont fanatisés pour lui. Il les a rehaussés comme étant des enseignants et comme étant des mashayikh, et il les a appelés mashayikh ad-dar, les mashayikh ou bien les maîtres donc du foyer de Damaj, les mashayikh de ad-dar. Et qu'est-ce qui est arrivé? Donc lui, il a remarqué que aucun savant ne l'a soutenu dans ce batil, hein. Donc les gens vont dire que donc il n'y a que Hajouri, il n'y a que Hajouri comme étant un cheikh, hein. Lui, il a donné al laqab de mashayikh à ceux qui sont, c'est-à-dire dans ce marquage de Damaj, hein. Il a commencé à donc rehausser et à grossir donc ces gens, alors que ce sont des gens, la plupart d'entre eux ne sont pas connus chez les gens de science. Ce sont des inconnus pour la plupart. Donc il surnomma ces prétendus mashayikh, il les surnomma mashayikh dar, hein, mashayikh dar. C'est pourquoi lorsque tu discutes avec l'un qui se fanatise pour le Hajouri, tu vas lui dire mais il a fait tomber les gens de science, il n'y a maintenant que le Hajouri, tu ne prends que de Hajouri, il va te dire mais il y a les savants qui sont aussi à Damaj, il y a beaucoup de savants, on ne les connaissait pas, il y a beaucoup de savants. Quels savants? C'est savants comme on va montrer quel est leur tabaka ilmiya, ce sont ils viennent dans le rang, hein, des disciples d'un cheikh comme Louis Sabi rahimahullah ta'ala. Ils viennent dans la tabaka, pour la plupart d'entre eux ils viennent dans la tabaka, dans le rang, hein, ou le degré de science des disciples donc du noble cheikh muhaddis Mohamed Abdouhab Louis Sabi rahimahullah. Donc là, il les a surnommés mashayikh dar, les mashayikh du foyer ou du marquage de Damaj. Or, la plupart d'entre eux, hein, sont d'abord inconnus auprès des gens de science et ne viennent que dans le rang des élèves du noble cheikh Mohamed Louis Sabi rahimahullah à titre d'exemple. Donc, on a donné cheikh Louis Sabi à titre d'exemple, donc pour montrer le statut de ces gens. Hein, que la plupart d'entre eux, donc lui, il les rehausse comme étant des mashayikhs, pour les encourager à répliquer aux gens de science, à réfuter les gens de science. Bref, il fait tomber les grands savants et mashayikh et il les remplace par des élèves. Hein, il s'attaque aux grands savants, tels que Cheikh Rabi', tels que Cheikh Ubayd, tels que Cheikh Mohamed Nadi, tels que Cheikh Abdel Bukhari, hein, et tels que donc, les gens qui étaient au Yémen. Hein, et donc, en contrepartie, ils vont présenter aux gens ces élèves qui sont à Damas et ils encouragent les gens à donc à écrire contre les gens de la Sunna. C'est pourquoi ils ont rempli un de leurs sites. Ils l'ont rempli de réfutations et d'insultes contre les gens de science. Moi, comme je donne comme conseil sincère à mes frères de ne pas regarder dans ce genre de site des gens des innovations qui insultent les gens de science. Et on va montrer dans ces audios, bi-idnillah, on va montrer le statut de cet homme, hein, on va montrer le statut de leur cheikh, hein, on va montrer le statut de leur cheikh, son statut scientifique et ses positions qui montrent que donc il n'agit pas comme font les gens de science. Donc Cheikh Arafat bin Hassan bin Ja'far al-Muhammadi hafidahullah ta'ala, il a précisé dans ce bayan, al-bayan al-fawri, dans cette clarification immédiate, il a précisé d'abord au début sa méthodologie de travail dans cet écrit et dans ce livre. Il a dit que d'abord, je cite le fondement que Yahya al-Hajouri a contredit, tout en précisant la référence de sa parole écrite ou enregistrée, ou de ce qui a été exposé devant al-Hajouri, ou ce qui lui a été présenté pour être publié et qu'il recommanda de diffuser. Donc la première chose, il le cite, il cite sa parole dans un livre, ou bien dans une muhabara, dans un audio, ou dans un cours, ou bien il cite quoi? Il cite ce qui a été dit devant l'Hajouri, et que lui il a approuvé, il a dit par exemple, Jazakallahu khayran, il a entendu telle parole d'insulte, d'un savant, il a dit Jazakallahu khayran. Hein? Lorsque l'un d'eux il a scandé tout un poème où il insulte le Cheikh Rabi', à la fin il lui a dit Jazakallahu khayran. Et lorsque donc par contre aussi quelqu'un était en train de faire de l'éloge, hein, à lui, Al-Hajouri, il était en train de faire de l'éloge où il y a de l'excès, où il y a de l'exagération. Hein, où il y a des paroles vraiment, où il y a le fanatisme et al-ghulou, hein, comme on va voir, il était en train de le qualifier comme étant imam al-thaqalayn, c'est-à-dire les djinns et les hommes, l'imam des djinns et des hommes, imam al-thaqalayn al-yamani, lui à la fin aussi il dit jazakallahu khayran. Hein, donc quand un savant qui est connu dans la umma, il est insulté, tu dis jazakallahu khairan, et quand il y a du roulou pour ta personne, tu dis aussi jazakallahu khairan wallahu al-musta'an. Et donc là j'ai précisé le premier point, le cheikh l'a dit, le premier point, donc je le cite, c'est-à-dire je cite la référence, une chose que eux ils ne peuvent pas contester parce qu'ils citent ou bien dans ses livres ou bien dans ses audios ou bien une chose qui a été dite devant lui et c'est enregistré et lui il était en train de dire jazakallahu khairan, ou bien aussi un livre ou un document qui a été destiné à la publication et lui il a lu et il a approuvé, il a dit oui j'encourage cet écrit pour être publié, hein, il était en train de faire même parfois des préfaces ou des muqaddimat pour ce genre d'écrit. Et la deuxième chose, dit Cheikh Arafat al-Muhammadi, il a dit par la suite, il suffit, hein, ou bien je me suffis d'une citation ou deux, hein, parmi les paroles des gens de science, afin de montrer la nullité de la parole de Hajouri. Il amène la parole de Hajouri, il la réfute par une parole ou deux, et parfois même plus, hein, pour montrer que donc Hajouri, il contredit des choses, des fondements chez les gens de la Sunna, hein, des fondements chez les gens de la Sunna. Très bien. Et je rappelle juste une chose que je devais citer au départ, c'est que ce Bayan al-Fawri, dans ces deux parties, il a été lu par le noble Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, et Cheikh Ubayd, il a fait une préface pour al-Bayan al-Fawri. C'est-à-dire que le grand savant, l'érudit savant, Ubayd al-Jabiri hafidhahullah, il a lu, c'est-à-dire cela a été lu devant lui, et donc il a fait une préface pour cet écrit qu'il a trouvé donc fort et qu'il a trouvé donc suffisant et qu'il montre le statut de ce dénommé Yahya al-Hajouri. Très bien, maintenant on va passer au premier fondement que cet homme a contredit. Et le premier fondement est le suivant. Je vais le dire d'abord en langue arabe. حكمه على بعض أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطأ وأنه أخطأ في وسائل الدعوة. Le premier fondement reproché à, ou bien relevé hein, chez Yahya al-Hajouri, c'est qu'il juge hein, que certains actes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient faux. Il les juge comme étant faux hein, et qu'il se trompait dans les moyens de prédication. Ça c'est le premier point. Al-Hajouri avait dit dans la cassette intitulée As'ilatu Hadramaut, il a dit dans cet enregistrement qui les questions de Hadramaut, voici la traduction de ce qu'il avait dit. Il a dit oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déployait l'effort, c'est-à-dire kana yajtahid, oui, le prophète il faisait de l'ijtihad, il incitait donc ses compagnons aussi à faire de l'ijtihad. Mais là n'est pas la, donc le point de divergence avec Al-Hajouri. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam déployait l'effort dans certaines questions hein. Cependant son ijtihad est tawfiqi. Qu'est-ce qu'il a dit après? La sunna est tawqifiyya et tawfiqiyya. C'est ou bien par at-tawqif hein, vous connaissez at-tawqif, c'est-à-dire quelque chose qui se limite au texte Coran ou sunna. Quelque chose, c'est-à-dire tawqifiyya, c'est-à-dire où il y a un texte, hein, où il y a un texte, hein, où il y a un texte. Donc lui, il a dit la sunna est tawqifiyya ou tawfiqiyya. Hein, regardez cette parole. C'est ou bien à tawqif, cela dépend de la preuve qu'Allah lui enjoint, c'est-à-dire au prophète, alayhi salam, lui enjoint, ou bien par à tawfiq, la révélation vient approuver ce qu'il fait. Quand il se trompe, la révélation descend rapidement pour montrer son cette erreur. Il donne l'exemple de Abasa wa Tawalla. Mais ce n'est pas un exemple pour dire cette chose ici. Hein, qu'on va voir quelle est l'ampleur de cette erreur. Il donne l'exemple de Abasa wa Tawalla. Ensuite, il dit, cela fait partie des moyens de prédication où le messager sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé. Allah l'éduqua, addaba. Allah l'éduqua ensuite par la révélation, addabahu bilwahi. Ensuite, Al-Hajouri cita encore deux autres exemples dans le même esprit et dans la même optique. Hein, c'est-à-dire de la da'wah du prophète alayhi sallatu wa sallam. Ceci d'une part. Retenez ce point, que ce qu'il a dit ici, il a dit tawqifiyya et tawfiqiyya. D'accord, il a dit la sunna, hein, d'accord, il a dit la sunna est tawqifiyya ou tawfiqiyya. Retenez cela. Ça c'est un. Le deuxième, c'est que Al-Hajouri fut interrogé, comme c'est dans Al-Kanz al-Thamin. Hein, ils ont intitulé cela Al-Kanz al-Thamin, c'est-à-dire le trésor précieux. Page 516, volume numéro 4. Il a été interrogé. Les moyens de prédication sont-ils tawqifiyya ou ijtihadiyya? Il répondit, ils sont tawqifiyya. Car la prédication à Allah est une adoration. Or, l'adoration est tawqifiyya. Regardez donc. Pour Al-Hajouri, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, chose grave, on est en train de traiter de quelque chose qui est grave. Qui est très grave. D'accord? Pour Al-Hajouri, le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, se trompe dans les moyens de prédication, wasa'il da'wa, Allah le corrige, il le rectifie, d'accord, d'accord, il rectifie son erreur dans les moyens de prédication. Or, pour lui, ces moyens de prédication relèvent de At-Tawqif et de la révélation, relèvent de Al-Wahi. C'est-à-dire qu'il est en train de le corriger dans Al-Wahi. Or, Al-Wahi, c'est une révélation. Regardez cette contradiction. On lit une parole d'un homme de science, Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, dit dans Al-Fath, le volume numéro 13, page 292. Il a dit, وَبِهَادَ يُمْكِنُ التَّمَسُّكُ بِهِ لِمَنْ يَقُولُ كَانَ يَجْتَهِدُ لَكِنْ لَا يَقَعُ فِي مَا يَجْتَهِدُ فِيهِ خَطَأٌ أَصْلًا. Quand le prophète, alayhi salam, fait de l'ijtihad, il n'arrive pas d'erreur. Il n'arrive pas d'erreur. Mais ce n'est pas dans ce qu'il est en train de dire ici, qui est la sunna. La sunna, c'est une révélation. C'est une révélation. Donc là, il a dit, traduction de cette parole de Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, il a dit, il est possible de s'attacher à cette preuve comme pour ceux ayant soutenu qu'il déployait l'effort, mais il n'arrive pas de faute à la base là où il déploie l'effort. Là où le prophète, alayhi salam, il fait l'ijtihad, il n'arrive pas, c'est-à-dire, d'erreur. Il n'arrive pas de faute là où il déploie l'effort. Ibn Baz, rahimahullah, dit, Al-Sheikh, l'Allama, Ibn Baz, rahimahullah, l'imam Ibn Baz, rahimahullah, dit, قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ فهذا قول باطل. D'accord. قول من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يخطئ فهذا قول باطل. D'accord. La parole de celui ayant soutenu que le prophète صلى الله عليه وسلم se trompait, ou bien se trompe, ceci est une parole fausse. D'accord. Ceci est une parole fausse. Hada qawlun batil. D'accord. Dans la parole de Al-Hajuri, on trouve une accusation envers le messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il peut proférer certains propos dans les affaires de At-Tawakkuf, et de l'adoration. Chose qui est une contradiction ici. Une contradiction. Une chose qui est révélée, et il prétend que donc le prophète il profère un propos dedans. Donc dans la parole de Al-Hajuri, on trouve une accusation envers le messager sallallahu alayhi wa sallam qu'il peut proférer certains propos dans les affaires de At-Tawakkuf et de l'adoration. C'est le sens de sa parole, d'accord. هذا من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. Il est en train de dire, هذا من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. أدبه ربه بالوحي. أدبه ربه وأنزل قرآنا يتلى في بيان تصويب هذا الخطأ. Traduction. Ceci relève des moyens de prêche ou de prédication. Où le messager صلى الله عليه وسلم s'était trompé. Son Seigneur l'avait corrigé. Il le corrigea et fit descendre du Coran à réciter, montrant la clarification de la correction de cette erreur. Cheikh Arafat Hafidullah précise, nous ne traitons pas ici de la question de savoir si le prophète sallallahu alayhi wa sallam déployait de l'effort ou non. Est-ce que le prophète faisait de l'ijtihad ou non? Nous ne traitons pas de cette question. Notre discussion avec Al-Hajuri porte sur le fait qu'il juge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fautif, qu'il juge le prophète sallallahu alayhi wa sallam fautif dans ce qui fait partie des moyens de prédication, fil wahi. Chose qui est grave. Qu'il juge que le prophète alayhi wa sallam se trompe dans ce qui est tawakkuf, dans ce qui est tawqifi. Vous voyez, conformément à sa fatwa à lui, lorsqu'il a été interrogé. Dans la fatwa qu'on vient de lire. Est-ce que... quelle était la question? Pour rappeler la chose, les moyens de prédication, sont-ils tawqifiyya ou ijtihadiyya? Lui, il a dit, c'est de at-tawakkuf. D'accord? Et avec cela, lui, il est en train de dire lui, il est en train de dire que hein, le prophète, il se trompe dans cela, hein, qui relève de Al-Wahi. Et on va lire une fatwa de l'érudit savant, Cheikh Al-Fawzan, qui a été interrogé sur cela, sur ce que Al-Hajouri dit. D'accord? Donc le Cheikh Arafat, il dit, notre discussion avec Al-Hajouri porte sur le fait qu'il juge le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fautif dans ce qu'il fait, dans ce qui fait partie des moyens de prédication. Tandis que ceux-ci, hein, sont tawqifiyya, c'est-à-dire les moyens de prédication, sont tawqifiyya conformément à sa fatwa, à lui. Dire qu'il se trompe dans ce qui est révélation et tawqif est un crime grandiose et une imposture manifeste qui contredit le consensus de la communauté, stipulant que les prophètes, alayhim salam, sont infaillibles là où ils informent sur Allah Ta'ala dans la révélation. D'accord? Bref, Al-Hajouri précise que les moyens de prédication sont tawqifiyya, puis il juge le messager sallallahu alayhi wa sallam fautif dans ce domaine. Nous cherchons refuge auprès d'Allah. Une calamité encore plus grande que ce qui précède, c'est que Al-Hajouri et ses suiveurs défendent cette parole corrompue. Le plus grave que cette erreur qu'il a commise, qui est une erreur grave, plus grave aussi qu'il est en train de défendre cela. Qu'il est encore en train de traiter de cela et de le défendre, lui et ses suiveurs. Ceux qui se fanatisent pour lui. Et ils sont en train de défendre une telle position. Wallah al-musta'an. Nas'Allah salama wa al-afiyah. D'accord? Ensuite, il avait soutenu. Après cela, lorsqu'il y a eu des critiques, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait soutenu ceci, ce que je vais dire. Il a dit, voici le texte en arabe, وَمَعَ ذَلِكَ لَمَّا حَمَلَ كَلَامِي بَعْضُ النَّاسِ عَلَى الْمَحْمَلِ السَّيِّئِ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامِي وَيَرْفُضُهُ السِّيَاقِ الَّذِي حَفَّ هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَمْثَالَهَا قُلْتُ حِينَ ذَاكَ أَنَا أَرْجِعُ عَنْ هَذَا الْأُسْلُوبِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ قَطْعًا لِدَابِرِ الْفِتْنَةِ الَّتِي يَتَقَصَّدُهَا بَعْضُ النَّاسِ. Ah, masha'Allah. Regardez cette tawba comment elle est. Hein? Ce n'est pas une tawba, ceci. Ce n'est pas une tawba. Hein? Donc dire que je reviens juste parce qu'il y a des gens qui sont en train de critiquer cela. Et non pas parce qu'il est conscient de la gravité de la chose qu'il a dite. Hein? Il a dit, il est cette tawba. D'accord? Traduction de sa parole, il a dit, et malgré cela, quand des gens avaient interprété ma parole dans un mauvais sens, que ma parole ne supporte pas, et que le contexte qui entoure cette parole et ses semblables rejettent, c'est-à-dire rejettent leur interprétation, j'ai alors dit, je reviens de ce style et j'en demande pardon à Allah afin de stopper les troubles que certains gens me cherchent à dessein. D'accord ? Fin de citation. Il en résulte que Al-Hajouri insiste qu'il ne s'est pas trompé. Hein, alors que le prophète alayhi salam se trompe. Hein, se trompe dans quoi? Dans Al-Wahi, dans Al-Tawakuf, dans des choses qui sont tawqifiyya selon Al-Hajouri. D'accord? Donc il insiste qu'il ne s'était pas trompé. Hein, Al-Hajouri ne s'était pas trompé à l'égard du rang de prophétie. Amama Genève Nubuwa. D'accord? Hein? Il ne revient que pour cesser les troubles. Hein? Il ne revient que pour cesser les troubles. L'iqaf al-fitna. Al-khawd fi hadhihi al-kalima. Par Allah, donc dit Cheikh Arafat, par Allah, ce sont les propos de l'Hajouri qui sont des troubles. Ce sont ses paroles qui sont le fitna. Hein? Que c'est lorsqu'il parle qu'il crée le fitna et qu'il cause la fitna, wallah musta'an. Et nous citerons une parole du Cheikh Al-Fawzan, Salih ibn Fawzan, Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, commentons cette parole de Al-Hajouri comme étant, Cheikh Fawzan il a dit, kalam qabih wa sayyi. Lorsqu'on lui avait dit que quelqu'un il dit que le prophète se trompe dans wasa'il da'wa, comme on va lire dans la question, après le troisième fondement, lorsque cela a été rapporté, Cheikh Fawzan il a dit que ça c'est une parole qabiha, c'est kalam qabih wa sayyi. C'est une parole laide et mauvaise. D'accord? Là s'arrête le premier fondement. Et lorsqu'on va lire le deuxième et le troisième, on va lire, inshallah ta'ala, la fatwa de Sheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Donc, pour ne pas faire long, donc je vais arrêter la première partie, inshallah ta'ala. Alhamdulillah.